Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule avec Flavie. Flavie, ça va la pêche ? La pêche. La pêche. Et Aloïs. Bonjour. La patate. Et puis, toujours. Un grand nom, un grand monsieur, Étienne Barrier. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit épisode de Autour de nous, cette nouvelle émission qu'on essaye de lancer avec Fly et Aloïs, sur des éléments, on va dire, qui intéressent les rôlistes de près et de loin. Et puis avec vous, Étienne Barrier, on va étudier le steampunk. Alors, qu'est-ce que c'est le steampunk ? Et d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas ? Moi, par exemple, je ne vous connais pas. Donc, présentez-vous. Ah ben, bonjour, Étienne Barrier, la quarantaine. Auteur d'essais, j'ai travaillé sur le personnage romanesque de Fantomas. J'ai donc écrit un livre sur le steampunk. Et mon dernier est un petit guide à trimballer sur Philippe K. Dick. Ah yes ! Excellent. D'où, en fait, votre présence... aux Utopia, la conférence sur Philippe K. Dick. Ceci j'ai expliqué cela. Ah, d'accord, ok. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est le steampunk, Étienne ? Oh, le steampunk, c'est plusieurs choses, mais si on devait avoir une définition toute basique, c'est imaginer ce qui se serait passé si le futur était arrivé plus tôt. Donc, que se passe-t-il si l'ordinateur apparaît dès la fin du 19e, si une source d'énergie supérieure apparaît juste avant la révolution industrielle, etc. Donc, c'est un jeu sur l'époque, un jeu sur l'histoire artistique, l'histoire littéraire, et un jeu de science-fiction, parce qu'on va imaginer des passés alternatifs. C'est marrant, dans votre définition du steampunk, vous faites venir le futur plus tôt. Moi, la définition que j'en avais, c'est imaginons qu'on n'ait jamais découvert le moteur à explosion. Et c'est aujourd'hui, mais imaginons que... Ouais, non, du tout, en fait. C'est vraiment, par exemple, en 1900, et la vapeur, c'est devenu hyper bourrin. On a déjà des ordinateurs à vapeur, sauf qu'on est en 1900, par exemple. Et c'est ça, c'est intéressant, c'est le futur vient plus tôt. Alors que dans la définition que j'en avais, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui se serait passé si... Uchronie. Que on appelle une uchronie le fait d'imaginer une histoire alternative. Que se serait-il passé si les Alliés avaient perdu la Seconde Guerre mondiale ? Et du coup, je pensais que le steampunk était un genre, en fait. C'est un genre bâtard de l'uchronie. Ouais, ok. Parce que l'uchronie est un genre sérieux, parce qu'on va travailler la matière historique. Ouais. Et essayer d'imaginer des conséquences historiques rigoureuses. Ouais. Même si on part sur des conclusions délirantes au final, mais on est rigoureux dans la démarche, tandis que le steampunk, lui, va pas hésiter à emprunter à la science-fiction, à la fantasy, au merveilleux. Donc à partir C'est assez débridé. Par exemple, je sais pas si vous mettez dans le steampunk Greg Case. Et moi, le travail qu'il a fait avec autour du Roi Soleil, où au final il y a le steampunk qui se mélange avec des sortes de pouvoirs d'anges, etc., qui font du coup exploser toute une partie de la Terre. Pour moi, c'est du steampunk parce que c'est vraiment un truc qui apparaît, une grande source d'énergie, mais c'est aussi mélangé avec de la magie en fait. D'accord, ok. Parce qu'en fin de compte, on peut avoir un steampunk totalement scientifique, on peut avoir un steampunk avec des elfes, des orques en plein 19e siècle, on peut avoir la fée Clochette qui revient en plein Hyde Park. Oui, complètement. C'est intéressant. Le steampunk, c'est assez débridé en fait, tout est permis un petit peu. J'avais pas du tout cette définition-là. c'est bon ça. Donc en fait, à vous écouter, quel genre d'œuvre vous citeriez pour le steampunk du coup, parce que en jeu de rôle ou en littérature. On va parler d'abord en littérature et puis peut-être après on parlera du jeu de rôle à Louis. En littérature, les œuvres steampunk. Si quelqu'un voulait découvrir le steampunk, je lui recommanderais de lire le roman de Jean Elliot, le premier volume de sa trilogie de la Lune. La Lune seule le sait, qui est donc là c'est du steampunk francophone. Avec les extraterrestres qui ont débarqué en plein Paris à la fin du 19e siècle, qui ont donné un pouvoir extraordinaire à Louis-Napoléon III. Ouais. Et la résistance est organisée par Victor Hugo, qui envoie Jules Verne sur la Lune pour aller sauver une anarchiste. C'est incroyable. Qui est prisonnière. Et c'est du steampunk, ça. Bien sûr, on est en plein dans le steampunk. D'accord. Le steampunk, voilà, libère totalement l'imagination et on peut mélanger aussi bien les éléments historiques qu'avec les personnages de fiction. Dans un roman steampunk, H.G. Wells peut rencontrer l'homme invisible, Jules Verne peut rencontrer le capitaine Nemo et partir avec lui à bord du Nautilus. Par exemple, tu vois le film, tu le détestes certainement, mais La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, pour moi, c'est du steampunk. Bien sûr, non, les premiers volumes de la Ligue sont du pur steampunk, même si à l'époque, Alan Moore ne connaissait pas le steampunk quand il a écrit les premiers. Mais bon, il a réinventé de son côté ce qui est devenu plus tard le steampunk. Alors du coup, d'où vient le steampunk ? D'où vient ce mot steampunk ? Alors, ce sont trois auteurs californiens qui, au détour des années 80, K.W. Jeter, James Blaylock et Tim Powers, qui ils voulaient percer, et qui ont publié toute une fournée de premiers romans, qui étaient des fictions victoriennes. À la même époque, ceux qui dominaient très très largement la sphère de l'imaginaire, c'était le cyberpunk. Ouais. Donc une science-fiction noire, politiquement engagée, assez radicale dans son écriture. Et les gens se demandaient un peu ce que c'était que ces fictions que ces bonhommes écrivaient, qui se passaient en plein 19e siècle. Ils cherchaient finalement un genre dans lequel les caser, parce que c'était inclassable. Et c'est dans une lettre pour la revue Locus que K.W. Jeter a écrit, si vous voulez savoir ce que c'est, c'est du steampunk. D'accord, ok. Donc c'est un mot qui veut rien dire, qui se moque littéralement du terme cyberpunk. Ouais, d'accord. En l'inversant, steam, c'est la vapeur, et punk, le mauvais garçon. D'accord. le déchet. Mais c'est d'où l'idée que pour moi c'était un monde dans lequel la vapeur tenait lieu de notre électricité, de nos moteurs à explosion. Il y a une énergie, mais si on prend par exemple la série des romans de Mathieu Garbory, ça va être il va y avoir ce qu'il appelle l'éther, les crimes. Donc une énergie. Les chroniques de Bohème. Voilà. Il y a une énergie nouvelle, magique, qu'on peut pas expliquer, qui est présente. Ouais. Donc voilà, ça peut être le charbon, ça peut être une énergie, ça peut même être l'invention de l'énergie nucléaire bien avant. D'accord. Donc en fait, le steampunk, c'est des mauvais garçons avec une nouvelle source d'énergie, si j'ose dire. Ce ne sont même pas forcément des mauvais garçons. Je pense que le cyberpunk, il faut qu'il y ait vraiment deux, en fait. Ouais, c'est ça. Disons que le steampunk, un jour, donc dans les années 80, il y a Jeter pose le nom steampunk. Ouais. On se rend compte que le steampunk existe depuis bien longtemps. Ouais. Des écrivains comme Michael Moorcock, Christopher Priest avaient écrit des fictions rétrofuturistes, d'accord, victoriennes. Ouais. Sauf que à l'époque, le mot n'existait pas. Alors, cette notion de victorienne, est-ce que vous pourriez revenir dessus, peut-être C'est juste le cadre historique. Voilà, donc c'était des. Alors, c'est quoi l'époque victorienne ? Est-ce qu'on peut la résumer rapidement ? Quels sont les canons esthétiques de l'époque victorienne ? C'est les derniers temps de l'Empire britannique. D'accord. C'est les derniers moments où la Terre comporte encore des zones de terre inconnues, où des aventuriers peuvent s'enfoncer au fin fond de l'Afrique pour défricher de nouveaux territoires. On est juste avant l'écroulement des grands empires et une émergence à la fois politique, philosophique, littéraire, qui est le terreau de notre modernité actuelle. D'accord, ouais. C'est la naissance de la science-fiction. C'est H.G. Wells, c'est Jules Verne. Le début de la première révolution industrielle. Voilà. D'un point de vue esthétique, c'est les femmes avec les corsets, les grandes robes, voire les serre-tailles, les premiers avions avec les grosses lunettes sur la tête. Tu vois ce que je veux dire, un petit peu côté un Indiana Jones. C'est ça. Ouais. Donc le steampunk, grosso modo, on va de la fin du 19e jusqu'au frémissement de la Première Guerre mondiale. D'accord. Alors je vous ai pas laissé terminer tout à l'heure. C'est quoi les livres steampunk alors ? Donc oui, La Lune seule le sait. Bon, comme chef-d'œuvre, il y aurait le livre écrit par William Gibson et Bruce Sterling, La Machine à différence, qui est un roman monumental. Il a vraiment une fresque steampunk qui est à la fois dans l'écriture, qui est un monument. Parce qu'ils abordent vraiment tous les aspects de la société qu'ils évoquent. Aussi ça, bien de... ça a l'air de vous tenir à cœur, Étienne. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est l'idée que le steampunk, ça, comment dire, ça développe une société crédible. Il y a une crédible au sens que je peux y croire, même si elle repose sur des postulats qui sont fariboliques. Ouais, ça c'est voilà, exactement. Je veux pouvoir y croire le temps de ma lecture. Je pense à la série à la trilogie en bande dessinée de Cécile, Le Réseau Bombis, qui raconte les aventures d'un duo de cambrioleurs dans un Bordeaux steampunk. Yes. Et là, c'est absolument magnifique parce qu'on est donc dans des déjà ça se passe pas à Paris, ça se passe pas dans une grande capitale, donc c'est assez rafraîchissant. Ça change. Et ces deux bonhommes vont se trouver dans une aventure parce qu'ils vont bien sûr voler ce qu'il ne fallait pas aux personnes qu'il ne fallait pas. Et une aventure très sombre, mais dans une ville absolument splendide. Parce qu'esthétiquement, le steampunk est souvent très très beau. Ouais, ça c'est quelque chose qui, avec le steampunk, qui marque tout de suite. Moi, j'avoue, c'est ce qui m'a fait aimer le steampunk. Moi, c'était l'esthétique. Voilà. Alors justement, moi, t'es pas la seule d'ailleurs. Ouais. Aloïs, j'avais une question à vous poser d'ailleurs à ce niveau-là. C'est le steampunk. Est-ce que, alors là, je vais faire mon naïf et puis un peu concon. Est-ce que le steampunk, c'est pas finalement qu'un genre esthétique? J'ai appelé mon livre steampunk, l'esthétique rétrofuturiste. Le steampunk, ce sont deux choses. C'est soit un ensemble artistique. Mm-hmm. Donc là, on va trouver des romanciers, des dessinateurs, des artistes plasticiens, des musiciens, des performeurs. Mm-hmm. Donc, d'un autre côté, il y a vraiment qu'une esthétique qui est alors là qu'on va retrouver peut-être par le plaisir du costume, la fabrication de son costume, la création d'un personnage. J'en fais pas partie, mais je les côtoie. D'accord, ouais, qui s'amuse justement à créer des costumes dans l'ambiance steampunk, parce que c'est un canon esthétique. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est un canon esthétique qui séduit énormément aujourd'hui. Qui est très à la mode en fait, le steampunk. Bah, qui est très à la mode et surtout là qui a été propulsé par l'internet, qui a permis aux gens sur les forums, sur Facebook, etc., de publier leurs créations, que ce soit les costumes qu'ils s'étaient fabriqués, les objets qu'ils avaient fabriqués. Donc une diffusion qui s'est accélérée. Et ce qui fait que voilà, aussi bien des gens qui travaillent dans leur banlieue lyonnaise, ouais, peuvent montrer ce qu'ils font à des Californiens qui regardent en même temps ce que font des Allemands. Ouais. Donc il y a vraiment beaucoup d'échanges. Ouais. Est-ce que ce que vous voulez pas dire là, Étienne, finalement, c'est que le steampunk, ça restait quelque chose de très confidentiel et que l'internet l'a vraiment rendu public? Alors public, pas après, oui. Je donne la parole à Flavie qui pas encore grand public. Il n'y a pas encore eu de grande œuvre steampunk qui fait que les gens qui ne s'intéressent pas au milieu de l'imaginaire ne connaissent, enfin le découvrir. Néanmoins, dans des collections de mode, on a vu des morceaux d'influence rétrofuturiste. Justin Bieber a fait un clip où il était habillé en steampunk. Incroyable. Justin Bieber cité dans le podcast de la cellule, c'est bon ça. Au Utopia 2011, il avait fini la conférence comme ça. Mais oui, mais ça montre bien que au niveau des décideurs, qui sont les gens qui ont des grandes antennes et qui veulent percevoir les mouvements qui agitent les et que ils sont en train de piocher des choses. Flavie, je te voyais tiquer tout à l'heure quand je disais que le steampunk c'était peut-être finalement qu'un canon esthétique. T'avais l'air de pas être d'accord. Oui, mais avant j'aimerais terminer sur l'esthétique 2-3 choses. Ça marche, Flavie, je t'en prie. Parce que on parle pas mal de l'esthétique des vêtements aussi, mais je trouve que c'est aussi un esthétique architectural qui me touche beaucoup en fait. Mmh. Je trouve que quand on parle de steampunk, on fait aussi beaucoup référence à l'art nouveau et c'est aussi énormément de métal qui rejoignent des matières nobles et moi je trouve ça très beau esthétiquement. Moi quand je pense steampunk, je pense la gare de Rouen à côté de laquelle tu as vécu là, Flavie, où il y avait des espèces d'arceaux en métal. Moi je pense Prague, je pense le clocher de Prague, je pense tout ça en fait quand je pense au steampunk. Le clocher de Prague. C'est exactement ça. C'est des mécanismes, des horloges, des grandes horlogeries. Mmh. On imagine des rouages, ce genre de choses. On pense à un film aussi, malheureusement raté. Enfin, moi, je trouve personnellement, qui est Hugo Cabret. On était tombé d'accord, ouais, là-dessus pour dire que c'était un film raté, mais qui essayait en fait d'avoir une espèce d'esthétique comme ça, d'automate, une esthétique. Ouais, mais c'est plus l'esthétique de. Je vais pas me rappeler de son nom, du coup, de réalisateur. Hugo Cabret. Non, bah oui, mais c'est non. Le réalisateur auquel ça fait référence, Hugo Cabret, qui a fait. Ah oui, Méliès. Méliès, ça fait vraiment référence à Méliès, mais Méliès, c'est normal qu'il ait un peu un esthétique. C'est steampunk, voilà, vu que c'est de l'époque, quoi. Enfin, l'époque qui va avec. Mais d'accord. J'ai tiqué tout à l'heure parce que tu disais seulement l'esthétique, mais ouais, parce que... mais le steampunk dans la mesure où c'est une uchronie, quand c'est une uchronie et que oui. Je pense hein, quelqu'un imagine une uchronie, il imagine forcément les conséquences qui vont en découler parce que c'est ça qui est rigolo. Et les conséquences, elles sont pas seulement dans ce qu'on porte, elles sont aussi dans les aspects sociétals. Et que du coup, quand on, je pense notamment à Ekrim, quand on écrit quelque chose de steampunk, il y a forcément quelque chose qui va venir après. Alors dans le cas des crimes, c'est au niveau de la Révolution rouge et de la confrontation entre les ouvriers, la bourgeoisie, mais on peut voir beaucoup d'autres choses en fait dans le steampunk. Il y a forcément quelque chose qui découle dans les conséquences. Alors ça justement, c'était une question que j'avais envie de vous poser, c'est quel genre, à vous Étienne, mais aussi à vous autour de la table, parce que toi, Aloïs, tu travailles aussi pas mal dans des univers steampunk, même au niveau du jeu de rôle et tout ça, c'est quel genre de problématique, quel genre de propos un univers steampunk peut-il encourager, peut-il favoriser ? Là, toi, tu parles d'une révolution... Ouais, mais ça dépendra aussi de, comment dire, de la révolution technologique qui aura permis en fait, l'arrivée plus... tôt du futur. Bah, c'est-à-dire, en gros, ça dépend de la, la source d'énergie qu'on choisit. Si c'est la vapeur, ce sera à mon avis pas les mêmes conséquences que si on utilise le nucléaire au Moyen-Âge, quoi. Ah oui, d'accord, parce que le steampunk, ça peut être aussi la découverte du nucléaire au Moyen-Âge. Bah, j'exagère. Oui, j'ai exagéré. Bien sûr qu'il n'y a pas de limite. Mais un univers steampunk, pour moi, c'est l'univers vraiment de l'aventure. Et du progrès, je dirais. Oui, mais les deux vont de pair. Des personnages steampunk sont toujours lancés dans des récits qui vont à 100 à l'heure. D'accord, ok. Donc, on peut pas retourner, parce qu'il y a toujours ce mouvement qu'il faut garder à l'esprit. Il y a à la fois le retour vers le passé, mais aussi un retour vers les auteurs de cette époque-là. Ouais, d'accord. Okay. Donc, essayer de coller au canon esthétique que ces auteurs ont. Se les approprier d'une certaine façon. D'accord, ok. Et pourquoi est-ce que le steampunk est propice à l'aventure spécialement ? Bah parce que qu'est-ce qui vous fait dire ça, Étienne ? Bah parce que ce sont des univers pleins de mystères. Si j'ai un grand méchant qui veut conquérir le monde, même dans James Bond, ils arrêtent de faire des grands méchants qui veulent devenir maîtres du monde. Ouais. C'est plus crédible. Alors que dans le steampunk, ça le reste. Alors que dans le steampunk, on peut avoir un savant fou qui construit des ordinateurs géants et des robots géants. D'ailleurs, dans Steam Boy, je sais pas. Steam Boy, c'est ça. Steam Boy, c'est ça. Alors, Steam Boy, c'est quoi ? C'est un manga ? Oui, c'est un manga où il y a un dessin animé japonais. Voilà. Des films d'animation japonais. Un film d'animation tiré d'un manga. Mais où c'est, il y a un savant qui, ils viennent de découvrir quelque chose, une grosse énergie qui provient de la compression de la vapeur à partir d'une eau complètement pure. Et il y en a un qui veut diriger le monde avec et l'autre qui veut créer des manèges et ce genre de choses. Il y en a un qui cherche le bonheur de l'humanité à tout prix et l'autre qui cherche juste à donner à l'humanité ce qu'elle veut, à savoir la guerre. Ah. Si on prend aussi les 15 dernières années du 19e siècle avec tout ce qui peut arriver après Jack l'Éventreur, etc., on peut avoir beaucoup d'ambiance au niveau de tout ce qui va être les complots avec les Illuminati, les francs-maçons, etc. Enfin, c'est pas obligatoire, mais moi je trouve que c'est une source assez intéressante parce qu'on a tous les complots de fin de monde ou des choses comme ça qui aujourd'hui avec la théisation des gens ont disparu. Enfin, faire ça de façon moderne, ça aurait beaucoup moins d'intérêt. Donc le steampunk permet finalement de se poser les questions de complot aussi et tout ça dans une certaine mesure. Pour un jeu, en tout cas, oui. Pour un roman, je pense qu'aussi il y a eu des choses qui ont été faites. Oui. Et puis on retrouve des personnages archétypaux forts, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'aventurier un peu mystérieux mais au grand cœur, la femme fatale, le savant fou, bien sûr. Mais voilà, c'est-à-dire que chacun peut vraiment investir un personnage, puis après lui donner de l'épaisseur, ça c'est faisable. Mais de prendre plaisir à être à la limite de la caricature, mais sans tomber dans la caricature. D'accord. il faut être toujours un peu premier degré. C'est très complexe de comprendre ce que c'est le steampunk là, parce que moi, pour les auditeurs, hein, je vais tout à fait franc, je ne connais pas du tout le steampunk. En vous écoutant comme ça, j'ai vraiment du mal à voir. J'ai l'impression en fait que c'est les steampunk permettent d'explorer une aventure dans un univers qui est fondamentalement en train de changer. C'est-à-dire qu'on est dans le steampunk, on est toujours à une transition entre un monde ancien et une révolution qui fait que d'un coup, on va se retrouver plongé dans un autre monde. La découverte d'une technologie qui va complètement révolutionner le monde. Ah non, mais cette technologie peut être présente depuis très longtemps. Ah d'accord. Et le monde fonctionne sur ces nouveaux codes-là. Par exemple, je parlais de la machine à différence, donc qui part du postulat que Charles Babbage a construit sa machine à différence. Oui. Hein, c'est donc à la fin du 19e. Charles Babbage, qui était payé par le gouvernement britannique pour mener ses recherches, il n'arrivait pas à construire sa machine. Ada Byron, qui était la fille de Lord Byron, avait écrit pour lui ce qui est le premier langage informatique. D'accord. Sauf qu'on lui a coupé les fonds et il n'a jamais pu terminer sa machine. D'accord. Ça aurait été le premier ordinateur de l'histoire. Ouais. Donc, dans la machine à différence, ils imaginent qu'il a construit sa machine-là, ouais, et que, ben, on a construit des ordinateurs de plus en plus grands. En France, ils ont construit des ordinateurs de plus en plus grands parce qu'il y a la révolution, enfin la tension entre les deux pays. Ouais. Et on est dans cette société qui est donc voilà, qui est informatisée et avec une technologie qui a totalement intégré cela. Donc là déjà, si j'ose dire, la technologie est déjà présente. Donc il y a pas cette idée de révolution. On n'est pas en train de découvrir. Non, on n'est pas en train de découvrir quelque chose. On n'est pas en train de le découvrir. C'est comme dans la ligne des Gentlemen Extraordinaires, la technologie, elle est là. Enfin, on se pose pas la question de savoir comment cette voiture arrive à être présente en 19e. Je veux dire, on s'en fout. L'important, c'est que ça marche. Et surtout, c'est un style qui permet de se débrider, quoi. On n'en a rien à faire de savoir si Dracula, c'est normal qu'il puisse rencontrer Jefferson, par exemple, et qu'il soit dans une voiture. On s'en fout si ça sert le propos et que ça permet de faire une aventure. Eh ben, on y va. Donc, il n'y a pas cette question de du réalisme historique. Mais tout devient réaliste dans le steampunk, puisque de toute façon, on réinvente la réalité. De la réalité. Donc, sera réel ce que l'auteur décidera être réel. Donc, ce qui compte, ce sera moins le réalisme que la crédibilité, encore une fois, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est intéressant comme style. Alors, mais vous n'avez pas vraiment répondu. Donc, vous, Étienne, vous avez dit oui de l'aventure. Et qu'est-ce qu'elle va apporter au héros, cette aventure, dans l'univers steampunk? Non, mais voilà, de la grande aventure. ça peut être du mystère, ça peut être une quête, une lutte contre de grands méchants, reprendre des schémas très simples, mais qui sont redoutablement efficaces. C'est un genre qui est relativement propice au pulp, en fait. Le pulp. Alors, juste ça, justement, j'aimerais bien qu'on nous définisse ce que c'est que le pulp. Est-ce que tu saurais définir le pulp? C'est de la grande aventure, c'est des héros modernes, enfin des héros de leur temps. On n'est plus tout à fait dans le héros tel qu'on l'envisageait. Pour moi, le pulp, c'est l'arme fatale. C'est Die Hard. Non, c'est le pulp, c'est Indiana Jones. Oui, voilà. Mais je sais pas, je. Ah, alors du coup, c'est quoi le pulp? Pour moi, le pulp, c'est une aventure sans qu'on se prenne la tête. Ouais, voilà, c'est ça. Si on a besoin que le mec il soit trop fort et qu'il puisse avec son lasso attraper un arbre et arriver sur une voiture, il le fait. D'accord. Peu importe, c'est ça le pulp. Le pulp, c'est que peu importe ce qu'il a besoin de faire, le héros il le fera, puisque c'est pas ça qui est important. C'est que l'important, il vive un truc énorme, qu'il combatte des nazis. ça servira le propos s'il le faut. Le propos, ça peut être ce qu'on veut. Enfin, l'important, c'est qu'il y ait du fun dans Étienne, le peuple. Vous êtes d'accord avec cette définition? Oui, je suis assez d'accord. Ouais. Oui. Le pulp, historiquement, c'est une période qui part de la fin du 19e jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Puis après, les pulps ont disparu. Ah oui, vraiment, ah, d'accord. Okay. Enfin, la littérature qu'on appelle pulp, c'était des fascicules qui pouvaient aller jusqu'à 200 pages, qui étaient publiées aux États-Unis. Ouais. Et l'idée, c'était que le support était moins important que le texte qui était dedans. Donc, on imprimait ça sur du papier de très, très, très mauvaise qualité, de la pulpe de bois. Donc, pulp. Et c'était vendu très peu cher. Et donc, les pulps, on avait de la littérature sentimentale, du roman policier, du roman au début de science-fiction, du roman d'action pure. Et tous les plus grands auteurs de littérature populaire ont fait leurs premières armes dans ces pulps-là, où ils étaient payés un cent le mot. Donc ça va de Raymond Chandler, de Ray Bradbury, Philip K. Dick, Isaac Asimov. Ils ont tous fait leur premier texte dans ces pulps-là, mais qui avaient une diffusion hallucinante. On parle de 500 000 exemplaires par mois pour un titre. Ah oui, c'est énorme. Que les éditeurs, au bout d'un moment, enfin les grosses maisons d'édition, ont décidé que ça, finalement il y avait une manne financière qui était intéressante. D'accord. Et ils ont commencé à sortir les livres de poche. D'accord. Ah d'accord, donc finalement, oh, c'est génial. Merci pour ce rappel historique, voilà. C'était vraiment passionnant. Ok, d'accord, très bien, parce que moi c'est pas du tout ce que je pensais être le pulp. Pour moi le pulp c'était une action débridée, où il n'y a pas un seul moment où il y a un ralentissement de l'action. Mais il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort. Enfin, ouais. Les pulps, c'était la Grande Dépression aux États-Unis. C'était des écrivains qui, pour pouvoir vivre, devaient écrire 2, 3, 4 romans par mois. Donc, voilà, ça envoyait du bois parce qu'il fallait que le texte soit, voilà, sorte. Ça. D'accord. Ok, très bien. Donc toi, tu disais, Flavie, que le steampunk, c'était un genre qui permettait de parler de l'économie. Surtout des Alors. Ça dépend ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire, c'est comme tout. Quand on écrit un livre, ça dépend du propos qu'on veut traiter. Si on veut écrire juste une aventure où il y a deux personnes qui s'embrassent après avoir défoncé un méchant, c'est possible. Par contre, si on veut, comme dans les chroniques de Bohème, traiter en plus de tout un aspect social, c'est possible aussi, puisque du fait qu'il y ait une arrivée anticipée d'un changement d'une énergie, l'énergie va de pair avec comment la société va marcher, en fait. D'accord. Puisque quand on a besoin d'électricité, on peut avoir de la lumière. Qui fait marcher cette électricité? Enfin, s'il y a du charbon, ça va pas du tout être les mêmes configurations de ville que s'il y a une usine nucléaire. Ce que tu veux dire, c'est que le steampunk, par son aspect de futur importé dans le passé, oblige l'auteur du steampunk à définir très bien ses technologies, sa société, etc. Même à y etc. penser, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, quand on fait une uchronie, c'est que on a peut-être aussi envie de se poser des questions, de se dire, ah bah, si c'était passé ça, du coup, qu'est-ce que ça engendre? Est-ce que j'ai toujours les castes? Est-ce que ça engendre de nouvelles parties dans la société? Est-ce que, par exemple, je peux avoir des intouchables qui apparaissent en Occident? Ça amène à se poser ce genre de questions? Et du coup, ce genre de questions pourront être traitées selon le personnage principal que tu prendras. L'histoire sera pas la même si ton personnage principal fait partie des hautes castes de la bourgeoisie ou si c'est un ouvrier qui travaille. En quoi le steampunk permet de traiter davantage ça que l'uchronie, par exemple? Mais le steampunk, c'est de l'uchronie. Le steampunk, c'est une uchronie particulière. Voilà, c'est une forme de l'uchronie. D'accord, ok. Donc, on a les mêmes. La même chose que pour une uchronie, sauf que ça se passe dans du steampunk. D'accord, ok. Et qu'un style qui me touche profondément pour ma part, parce que voilà, ça permet de traiter pas mal de choses avec un esthétique bien particulier qui amène de belles descriptions aussi. Étienne, d'accord avec ça? Oh, totalement. Il n'y a pas de. Enfin, le steampunk est un genre assez mou. Donc on peut le prendre soit vraiment qu'au niveau de l'esthétique et faire quelque chose qui sera. Assez léger, mais on peut, là je parlais de la machine à différence, où ils vont envisager des scènes d'insurrection populaire, voilà, avec un contenu et une relecture sous-jacente de notre propre temps et de nos propres. Une espèce de métaphore de notre époque. D'accord. Moi, je verrais bien, par exemple, un misérable steampunk. Moi, je trouve que ça se prêterait très, très bien. Gavroche avec sa. Voilà, qui arrive pour contrer, alors qu'on est dans un univers complètement différent. J'ai vraiment du mal à comprendre, Parce que là, à chaque fois, c'est des problématiques esthétiques. Que vous citez. Toi, tu prends l'esthétique des Misérables, tu prends l'esthétique. Dans le steampunk, pour moi, l'esthétique ne peut pas être séparée du propos que tu vas. C'est-à-dire, quelles problématiques on défend Ça dépend toujours de qui est l'auteur. Par exemple, si t'es Mathieu Gaborit et que tu écris les chroniques de Bohème, tu défends le fait que les ouvriers ils doivent absolument se rebeller parce que les conditions dans lesquelles ils vivent ne sont pas tolérables et que c'est bien la Révolution rouge. D'ailleurs, les héros que tu suis sont pour cette révolution et les méchants sont du côté de ceux qui veulent l'empêcher. Étienne, D'accord avec ça sur les problématiques. Quelles sont par exemple les problématiques que vous défendez vous dans vos romans steampunk ou... Ah mais moi j'ai pas écrit de steampunk. Hein. Non, il a écrit des essais. Moi j'ai étudié le steampunk. Ah d'accord. En tant que genre. Voilà. D'accord. Je pensais que vous étiez aussi auteur de. Non, j'ai pas de talent moi. Si quand même. Vraiment l'éventail est extraordinairement large. Ouais. Parce que si on regarde en bande dessinée, ça va de la série là de Empire qui raconte une grande fresque donc napoléonienne steampunk, ouais. Qui va mélanger donc scènes d'action, scènes de guerre, des scènes d'espionnage et bien sûr des scènes d'amour. Ouais. Et voilà, on peut amalgamer beaucoup de choses. D'accord. Donc je crois que pas qu'on puisse dire qu'il y a un thème, ouais. Et que parce que si on prend par exemple le cyberpunk, très souvent ce qui va être la problématique du cyberpunk, ça va être la place de l'homme dans une société mécanique. Mais le cyberpunk était défini par un manifeste et une école esthétique. D'accord. On était cyberpunk parce qu'on respectait le canon esthétique du cyberpunk. Du manifeste, pardon. Oui. Voilà. Donc il y a des gens qui étaient virés et d'autres. c'était radical. Alors que dans le steampunk, c'est open free, tout le monde. Le steampunk, c'est fait tout seul. Du do it yourself. Ouais. Totalement. C'est ça. Oui. C'est construit. À force de d'auteurs qu'on savait pas ou classeurs, tiens ça et qui pour certains ont fait un roman steampunk ou une BD steampunk et qui après sont les pères fondateurs, ils sont passés à autre chose. D'accord. Ça fait 30 ans qu'ils écrivent plus de steampunk. D'accord. Okay. Quand tu vois Automate, récit d'un automate mangeur de pium, je crois, c'est quand même un récit complètement différent que tu pourras trouver, qui aura pas du tout les mêmes implications qu'un récit manichéen à la Steamboy, par exemple. Mmh. Peu importe, en fait, c'est à un moment dans l'histoire, on choisit notamment, par exemple, l'énergie qui va permettre de tout changer aussi parce que ça va te servir ton propos. Alors, si le propos, c'est juste d'avoir des trucs hyper bourrins pour pouvoir faire un truc manichéen, c'est pas la même chose que si tu choisis la vapeur avec des ouvriers. Est-ce que tu penses que Steamboy changerait fondamentalement si à la place de la vapeur, ce serait du nucléaire ? Ce serait pas la même chose. Les nucléaires, ça a des conséquences différentes. Si la bombe explose, du coup, ça détruit. Ce que je veux dire, c'est-à-dire une autre source d'énergie. Ah oui, je pense que ça aurait pu amener autre chose. Je pense que si c'est la vapeur, c'est qu'il y a une raison. Ça donne pas du tout la même chose. Enfin, ça change le titre. De l'extérieur dans Steampunk. Ça change le titre, ça fait Nuclear Boy déjà. J'ai vraiment l'impression que finalement le Steampunk c'est un choix esthétique et qu'après les problématiques qui vont se greffer autour sont variables. Bah, ça dépend les livres. Mais Étienne a bien expliqué, oui, il me semble que. Le Cyberpunk c'est un genre qui est engagé de base. Voilà, c'est ça. Qui n'est pas le cas du Steampunk. Ben oui, mais moi je ne le savais pas. Voilà, c'est ça. C'est comme l'Heroic Fantasy, tu ne demandes pas nécessairement quelle problématique l'auteur défend. Si tu vois juste des elfes qui se battent contre les nains, ce ne sera pas la même esthétique. Mais je pense qu'on tombera d'accord pour dire que les problématiques qui sont défendues par l'Heroic Fantasy, c'est des problématiques liées au voyage initiatique et à la quête d'un héros, par exemple. Oui. C'est-à-dire la grandeur. Je veux dire, dans les trucs d'Heroic Fantasy, on ne te raconte pas comment vit le paysan du Mordor. On te raconte comment vit le grand roi, etc. Le Hobbit qui part à l'aventure. Oui, mais justement, comment du petit, on arrive au grand, en fait. Tu vois ce que je veux dire, l'Heroic Fantasy, c'est ça. Et moi, je pensais que le steampunk, il y avait aussi quelque chose qui était associé comme ça. C'est pour ça que j'avais préparé mes questions dans ce sens-là. Là, je me retrouve bien emmerdé parce que j'ai plus de questions. Non, mais le truc, c'est que moi, j'avais vu ça comme ça. Alors que pas du tout. En fait, j'apprends que c'est un milieu composite, le steampunk. Qui permet juste, du coup, d'être débridé vu qu'il n'y a pas de loi qui le contraigne. C'est aussi pour ça, vu qu'on n'est pas comme dans du cyberpunk, t'aurais du mal à faire arriver Dracula, par exemple. Alors que là, on s'en fout, tu vois. Enfin, c'est un style esthétique qui permet de faire un peu ce qu'on veut. D'accord. Alors au cinéma, pas de steampunk ? Il y a eu des films avec des influences steampunk, je pense, mais bon, pas des bons. La Ligue des Gentlemen extraordinaires qu'on a cité tout à l'heure est très mauvais. Qui est une honte. Il y a eu Adèle Blanc-Sec. Adèle Blanc-Sec, qui est une honte. Les Mystères de l'Ouest, hein, qui est assez terrible. Il y a une araignée steampunk splendide. Les Brigades du Tigre, est-ce qu'on le place dans le steampunk ou pas? Parce que ou dans les bons films. Non, pas dans les bons films, je crois que là, par contre, on se pose pas la question. Mais par contre, il y avait Sucker Punch de Zack Snyder, qui a été pas mal critiqué, que personnellement j'aime beaucoup parce que je peux voir des nanas en jupette avec de grands sabres se battre contre des robots géants. Ça m'a pas du tout touché pour le coup. Moi, un bel Apollon peut-être, je sais pas. Oui, mais voilà, il était à fond dans l'esthétique. Bon, il n'y avait pas de scénario. Le film obéit à une des lois de Steve Jackson, qui est que un divertissement est toujours plus drôle quand on tue des nazis dedans. Oui, bah, il y en a dedans. Pour citer le Munchkin. En tout cas, ça s'appelle La Terre de l'Amitié. Comment dire ? C'était quoi déjà le film dont on parlait tout de suite avec les nanas là ? Sucker Punch. On m'a dit aussi que c'était qu'il y avait un propos féministe derrière en fait, parce que le propos féministe, en fait, de loin vu par un mec qui aime bien voir des nanas en mini jupe quoi. Il y avait du second degré aussi, ou je sais pas, vous aviez. Ouais, voilà, moi j'ai beaucoup de tendresse pour ce film. Je peux penser aussi au Captain America, mais là on est vraiment aux frontières du steampunk, on est plus en train de tomber dans le rétrofuturisme, donc le dieselpunk, c'est-à-dire quand toute la période après la Première Guerre mondiale. Alors le rétrofuturisme, pardon, c'est aussi du steampunk. C'est plutôt le steampunk qui appartient au rétrofuturisme. C'est-à-dire le fait de revisiter le futur tel qu'il était imaginé. D'accord, ouais, ça marche. Ok, je comprends. Ça va dans ce sens-là. Voilà. Donc au final, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'au cinéma, il n'y a pas grand-chose. Arsène Lupin, on ne pourrait pas le mettre dedans ? Mais Vidocq. Non. Enfin, c'est des personnages qui peuvent être importants. Ce sont des choses qui appartiennent à la fin du 19e. Donc, 1900, donc du coup, évidemment, ça, l'esthétique se rapproche, vu qu'il y a pas mal de steampunk qui viennent de là. Mais c'est pas pour ça que, quand même, c'est du steampunk. Il ne faut pas confondre, je pense, des films de genre d'époque et des films steampunk. Il y a eu un Arsène Lupin qui a été fait il n'y a pas longtemps. Bon, je ne l'ai pas vu, mais après, je me demande s'il n'y a pas une esthétique steampunk. Il y a une esthétique parce que c'est une époque victorienne. Ça s'arrête là. Hein. D'accord. Du coup, je pensais aussi à Dark City, mais c'est spécial. Non, quoi. C'est plus. Non, là, c'est de la science-fiction, ça. C'est de la science-fiction complète. Oui. Je sais pas, je trouve que l'univers de Dark City, nous sommes dans des années 50, un futur noir, qui est revisité. Mais non, là on est vraiment, c'est des extraterrestres. Oui, tout à fait. Ouais. Donc on est dans la SF. Dickienne. Mais c'est rigolo parce qu'on s'en aperçoit qu'à la fin, en fait. Pendant tout le film, Film n'est pas du tout steampunk, puisque déjà les femmes, c'est pas du victorien. Les hommes, ils sont habillés comme dans les années 50. Il n'y a pas du tout d'art déco. On n'est pas du tout dans cet univers-là, quoi. Enfin, c'est bien d'avoir un bon naïf, un vrai naïf, pour une fois. C'est cool. Donc, jeux vidéo, un petit peu, Étienne, vous y connaissez BioShock. Oui. Ah ouais. C'est bon ça. Mais là encore, on est dans la fin du steampunk. On est dans une esthétique plus proche des années 50. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé de BioShock ? Vous y avez joué ? Le BioShock deux fois. Le premier, je l'ai terminé deux fois. Parce que la première fois, je sursautais trop souvent. Il est extraordinaire ce. Ouais. Et le deuxième est bien, mais bon, il n'y a plus la surprise. Voilà. Moi, j'avais adoré les petites filles. Bonjour, monsieur P. Moi, c'est le passage avec. Comment s'appelle-t-il déjà, le grand méchant Ryan, Andrew Ryan, avec son club de golf, là, où il fait son speech. Là, encore une fois, le grand méchant. Pourquoi le steampunk est le grand méchant, du coup ? Pourquoi est-ce que c'est propice à un grand méchant ? Parce que moi, du coup, j'étais parti dans l'idée révolution, nouvelle matière première. Donc, forcément, il y a quelqu'un qui a des nouvelles matières premières. Donc, forcément, grand méchant. Mais du coup, pourquoi grand méchant, steampunk ? Parce qu'il faut un méchant pour qu'il y ait une histoire. Ah. Puis, comme on te l'a dit, c'est débridé. Alors, il faut forcément un grand méchant, très méchant. Sinon, on fait du Jean-Luc Godard s'il n'y a pas de méchant. Où est passée cette merveilleuse voiture ? C'est tout au niveau steampunk dans le jeu vidéo, j'aurais deux, trois autres jeux, moi, personnellement. Il y a Civilization Call to Power, qui, à certains moments, et Rise of Nations. World of Warcraft, il y a des personnages steampunk. Enfin, voilà, on va trouver beaucoup de clins d'œil esthétiques. Moi, on m'a craché dessus aussi une fois parce que j'ai dit que Fallout 3 descendait un peu du dieselpunk. Fallout 3, ouais. Parce qu'on est dans la société des années 50, en fait. C'est du post-apocalyptique. C'est la société des. C'est ce qui s'est passé après les déviances de radio. Du dieselpunk. Parce qu'il y a la radio qui nous fait penser à ça. Il n'y a pas que ça. T'enlèves ça. Il n'y a pas que ça. Enfin, quand tu visites bien le jeu, il y a plein de choses qui font allusion à cette époque. D'accord. Le design des personnages rappelle vraiment les, pour moi, les bandes dessinées de Assassiné Aloïs dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Oui, mais je l'ai fait dans un article sur un blog sur le steampunk que je me suis fait descendre, donc voilà. Moi, je pense que t'enlèves la radio. Oui, bah bon, si. J'y joue sans le son. Aloïs. J'en avais un dernier en tête que j'ai oublié. Ça va te revenir. Mais bon, c'est pas très très important, mais ça en fait déjà quelques. Et je pense que dans les mangas, alors même si pour moi il y a pas vraiment de manga steampunk, dans les mangas il y a pas mal d'esthétique quand même steampunk, notamment au niveau des femmes, parce que ce sont des vêtements qui sont quand même très beaux en fait, les vêtements steampunk femmes. Mmh. Et les mangas prennent beaucoup dans cette esthétique-là, la mini jupe cuir avec les grandes guêpières, le serre-taille, et on peut trouver énormément ça dans l'esthétique manga pour les filles. Mmh. Alors le manga justement, Étienne. Quel genre de manga là, il y a un manga francophone qui vient de sortir. J'ai le titre sur le bout de la langue et bien sûr, moi aussi, j'oublie. fait par deux Français. Les personnages principaux, c'est H.G. Wells et Jules Verne. Et il faut, parler, mais j'ai oublié. Dans un monde où le papier n'existe plus, parce que chaque fois que quelqu'un écrit quelque chose, ce qu'il écrit accède à la réalité. D'accord. Et le grand méchant a bien sûr accès à une ramette de papier énorme, et il crée des choses et des créatures qui détruisent détruisent Londres, et seul Jules Verne a l'imagination suffisante pour écrire des choses, des créatures qui pourront l'annihiler. Donc c'est un petit manga, et c'est, il y a 6 tiges je crois dans le titre. Je suis sûr que quelqu'un vous le mettra dans les commentaires. Et 20 milieux sous les mers, est-ce qu'on le place dans du steampunk? Le film, ouais. Qui est une splendide trahison totale du livre. Oui, bien sûr. Trahison. Ben, parce que outrage. Le choix du Nautilus par Disney est un choix volontaire de faire un Nautilus de briques et de broc. Et ils ont représenté un Nautilus qui était vraiment un amalgame de capture de guerre. Tandis que dans le livre, Verne en fait le nec plus ultra de la technologie de son époque. Donc le film serait steampunk parce qu'il suppose qu'il y a eu une opération supplémentaire. Alors, pour en revenir au manga, si ça dérange personne. Non, communément accepté, il y a Full Metal Alchemist. Ah oui. Oh, bien sûr. Et pour vous, c'est du steampunk. Ah oui. Ah, c'en est totalement. Oui. Oh là là, j'y comprends rien. Il y a eu. On va te faire regarder des films et lire des livres. En ce moment, il y a The Arms Peddler qui est publié chez Kiyun, qui pour moi répond à ça, qui a été commandé par Square Enix, donc une boîte de jeux vidéo, comme quoi tout se rassemble. Ouais. Et j'ai vu il y a quelques temps un qui s'appelait Desert Punk, qui m'a vaguement fait penser. À tout ça. D'accord. Mais du coup, c'est le côté un peu vide du désert, donc il y a moins vraiment, de choses à voir. C'est vraiment intéressant. Tout ce que vous classez dans le steampunk, c'est fou. Et puis bon, enfin, la chose qui intéresseront probablement le plus les rôlistes qui nous écoutent, les jeux de rôle. Maintenant, on va parler un peu plus de jeux de rôle steampunk. Alors Étienne, les jeux de rôle steampunk... Ils sont anciens. Ils sont anciens. Moi, oui, on a les premiers jeux de rôle steampunk qui apparaissent dès le courant des années 80. Ouais. Ce qui explique qu'actuellement, enfin, si vous faites une recherche, vous pourrez en trouver beaucoup qui sont maintenant en libre téléchargement. Ouais. Ou plus accessible. Ecrim, par exemple. Ecrim, j'ai mis longtemps pour le trouver. Oui, Ecrim n'existe plus. Castle Falkenstein. Oui, mais bon, après ça a été repris par GURPS. Donc là, c'est trouvable. Beaucoup de systèmes qui sont, ou alors des gens qui propose des modifications pour intégrer des éléments steampunk à un système. Des add-ons, en fait, au système de jeu pour intégrer du steampunk. Et qui mettent ça directement sur Internet. Moi, je fais le pari qu'ils n'intègrent pas des choses au Lady système Blackburn, de jeu. Lady Blackburn, qu'on avait testé sur la cellule. Oui, Lady Blackburn, d'une certaine manière. Il y a Victoriana. Et puis le Victoriana. Gaslight Fantasy. Et le jeu de la Brigade Chimérique. Oui. D'accord. Alors, Étienne, vous avez joué à quoi, vous, dans tous ces jeux-là? Moins pas. Il y a eu Chronomy. Moi, je jouais à l'appel de Cthulhu, mais ouais, nous aussi. Mais c'était voilà. Parce que, mais c'était déjà mon goût ou à Daredevil. Daredevil, ça je jouais pas. Ouais, mais voilà, vous étiez pas né. mais le non, j'ai jamais joué à des jeux de rôle steampunk. J'ai fait des jeux de plateau, parce que là aussi il y en a beaucoup. Il y a des jeux de plateau. Les rêves d'acier aussi en steampunk. Un jeu de plateau alors. Là j'ai pas de titre qui me viennent. Timeline, je crois. Je trouve sur l'esthétique de la boîte est très steampunk. Il y a eu Steam Torpedo aussi récemment. Mmh. Alors, désolé de t'avoir interrompu. Dans le jeu de rôle, par exemple, dans les jeux de rôle steampunk, est-ce que vous y avez joué, Aloïs? Moi, j'ai joué un jeu de rôle amateur steampunk. Qui est On peut en parler. C'est un de mes amis qui l'avait fait, il n'a jamais été diffusé ou autre, okay. Donc il s'appelait Machination. Voilà, si les gens qui font du jeu de rôle steampunk ne les sortent pas, forcément on n'en aura pas. Hein, oui, en même temps. Bon d'accord. tu liras de ma part. J'ai lu Exil, qui s'en rapproche aussi. Ouais, j'ai lu Victoriana et Uchronia 1888 il y a quelques temps, qui touchent aussi beaucoup à la fantasy en plus du steampunk, oui. À mon avis. Oui. D'accord. Il y a Space 1889, okay. Qui est un très vieux jeu, qui donc c'était Star Trek à la sauce 19e siècle. Faut le faire. Je sais pas si c'est toujours édité. La boîte était sublime. Il y a oui, tu avais quelque chose à dire. Flavie, toi, t'es moi, j'ai la masterisé à mort et crime, et je suis une fan inconditionnelle de ce truc. Donc fan de Mathieu Gabory, voilà. Ouais. Ouais, mais enfin, l'univers qu'il a créé dans Bohème est vraiment fascinant. Il y a plein de choses sur les hommes qui, lorsqu'ils perdent, enfin, moi, j'ai le truc qui m'a vraiment fait aimer, c'est cet homme qui a perdu une jambe et qui le remplace par une roue de vélo, ou tout cette esthétique là qui arrive parce que du coup, il y a la vapeur et en même temps, il y a autre chose. On sait pas ce que c'est les crimes. Moi, je trouve que c'est un univers assez mystérieux et fascinant. Et qui laisse beaucoup de place, oui, justement, pour que. Parce que, bon, des fois, le problème, c'est qu'il y a des univers intéressants, mais quand on veut se projeter dedans, on n'a pas de place pour créer sa propre aventure. Tandis qu'ici, l'univers est assez large pour qu'il soit possible de s'y insérer, en tout cas, c'est. Et puis, il y a tellement de personnages possibles à créer qui auront tous des quêtes vraiment différentes qu'au final, c'est vraiment propice à un vrai jeu de rôle où on peut vraiment se créer soi-même, même d'une certaine révolution. Je veux dire, on n'est pas forcé de rester dans le canon, on peut prendre tout un autre endroit et créer tout plein de choses, quoi. Aloïs. Moi, là, en dernier, je pensais à. Bon, on peut critiquer ou non, mais Deadlands. Les aventures dans le Weird West. Bien sûr que si. Pour moi, totalement dans le thème. Ah non, Deadlands, c'est. Ah oui, mais bien sûr, je l'avais oublié celui-là. À fond, Deadlands. Tu n'y as pas joué, toi ? Ah si, moi, on en a fait une campagne entière. Ouais, si. Et ce qui me plaisait d'entrée de jeu dans Deadlands, c'était justement le système qui est assez classique, hein, au final, avec des compétences. Il y a quand même les cartes pour les. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait une esthétique. Et encore une fois, hein, steampunk esthétique, tiens, qui renforçait vraiment le jeu, à savoir ce système de cartes, c'est-à-dire que les tours d'initiative sont déterminés par une pioche de cartes. On pioche, par exemple, si j'ai 5 en initiative, je pioche 5 cartes, toi t'as 4, tu pioches 4 cartes, etc. Et on va abattre les cartes, en fait, au moment où on effectue nos actions pendant pendant le combat ou au cours d'une action. Et ça, vraiment, ce côté poker, ce côté esthétique était super. Et il y avait une autre astuce qui était les balles, le nombre de balles qu'on avait dans le barillet, qui était avec des trombones qu'on mettait sur le côté de la. Non, mais c'est des petits trucs tout simples, mais c'était génial. Oui. Donc au fur et à mesure que le barillet descendait, forcément descendait son petit trombone, et donc on avait cette évolution là comme ça, plus de balles, on voyait les trombones qui diminuaient, les cartes qui s'abattaient, enfin il y avait vraiment le côté saloon, JDR de saloon, si j'ose dire, qui était vraiment intéressant. Et là, du coup, c'était vraiment l'esthétique en renfort du style littéraire du jeu, si j'ose dire. J'avais, et il y a encore là quelque chose qui revient, c'est cette histoire d'esthétique et de liberté. On vous entend tous les deux, Étienne et Flavie, quand vous parlez de steampunk, ça revient comme du chou, la liberté. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un style qui laisse un maximum de liberté à la fois à son meneur de jeu, par exemple, quand on maîtrise un univers steampunk, à son auteur quand on veut écrire un jeu de rôle steampunk, et aussi apparemment au littéraire qui veut écrire une nouvelle steampunk ou. La liberté dans le steampunk, parce qu'il n'y en a pas dans les autres médias. Bah, c'est pas une question de liberté, mais si je fais je vais prendre un exemple caricatural. Vas-y. Si je joue dans l'univers de Star Wars. Oui. Voilà, je peux d'une esthétique. Je suis prisonnier du monde tel qu'il est. Mon personnage ne pourra jamais devenir un grand héros. Parce que les places sont déjà occupées, de toute façon. Et tandis que, voilà, dans un univers steampunk, il y a une marge, mais qu'on peut retrouver dans d'autres genres, dans des univers de fantasy plus ouverts, ou avec la liberté que je peux vraiment façonner un monde à mon goût. Si D'accord. j'aime la fantasy, j'aime le 19e, je peux marier les deux. J'aime la SF, j'aime le 19e, je peux marier les deux. Là, je pensais à la série de romans là de Gail Garriger, Le Protectorat de l'Ombrelle. sans âme, sans forme, sans honte. Et je me souviens plus du nom du quatrième, ça il faut le lire absolument. Le premier volume commence, on a une jeune fille qui est dans une soirée dans la bonne société victorienne. Ouais. Elle s'est cachée dans la bibliothèque en train de manger du gâteau en buvant du thé. Mmh. De toute façon, elle est foutue, c'est une vieille fille. Parce que à 15 ans, elle s'est pas mariée, donc elle est foutue. Sa vie est foutue, mais c'est elle la narratrice, donc elle l'explique. Mmh. Et tout d'un coup là les vitres explosent et il y a un vampire qui rentre, ouais, qui se précipite sur elle, donc qui renverse son gâteau et il va lui sucer le sang et elle lui repousse en disant mais ça va pas, vous allez me sucer le sang, on s'est même pas présenté. Parce qu'elle a quand même les bonnes mains. Et tout un roman. Et puis après, il y a les loups-garous, il y a les vampires. C'est, franchement, c'est des romans superbes. Et, vous pouvez redire le nom, parce que ça me met l'eau à la bouche. Ah oui, le sang à la bouche. Les protectorats de l'ombre. C'est 4 volumes qui racontent une histoire sans âme. C'est chez Orbit, c'est repris en poche chez J'ai lu, de Gail Carriger. C'est magnifique. Bon, bah, ça fait encore des livres à acheter. Bah ouais, voilà, dans tellement de succès que voilà, elle est partie sur une autre série qui se déroule dans le même monde. Ouais. Je ne serais pas étonné qu'un jour ou l'autre, peut-être qu'il y aura une adaptation cinématographique qui pointera. Il y a toujours des adaptations cinématographiques, plus ou moins. Est-ce qu'elles sont bonnes après? Mais et voilà, là, c'est du steampunk qui mélange vraiment le fantastique. Avec, parce que bon, sans âme, on va bien sûr comprendre pourquoi ce titre. Ouais, et puis moi qui suis une fan de tout ce qui est vampire, tout ça, ça va beaucoup me plaire. Donc là, c'est des vampires avec les bonnes manières victoriennes. Ah ouais, moi je suis pas fan de toilettes, hein, donc. De toilettes. La manière dont Flavie appelle Twilight, toilette. Ouais, bon. En tout cas, qu'est-ce qui vous a donné. Enfin, à part cette liberté, moi j'ai l'impression qu'il y a un petit côté contraste, choc des cultures. De l'humour aussi. Oui, j'ai l'impression. Bien sûr. Étienne, c'est ça qui vous séduit dans le steampunk. Qu'est-ce qui vous séduit dans le steampunk? Pourquoi avoir travaillé sur le steampunk? Parce que gamin, j'adorais les Brigades du Tigre, j'adorais lire Jules Verne, j'adorais Arsène Lupin, j'adore encore H.G. Wells. Le côté décalage. Et les Mystères de l'Ouest. Les Mystères de l'Ouest, ils partaient ils voyageaient dans le temps pour aller sauver le président des États-Unis. C'était pas simplement un couple d'agents secrets qui voyagent dans un train. Il y avait vraiment de la science-fiction et de l'aventure. C'était génial, j'étais fan de la série quand j'étais petite aussi. La science-fiction, pour vous, le steampunk, c'est de la science-fiction? La saveur que j'aime quand c'est plutôt SF. Mais par exemple, Sans âme, j'adore et c'est pas du tout SF. Là, c'est plutôt fantastique. D'accord, ok. Ouais, parce que c'est vampire et tout ça. Il y a un côté quand même magie, enfin ésotérique. Oui, et puis un bon livre reste un bon livre, qu'il soit steampunk ou pas, quoi. Oui, c'est clair, ça c'est clair. Ça ne détermine comme pas. Comme un mauvais d'ailleurs. Exactement. Ouais, comme un mauvais. Ok. Alois, tu voulais demander. Tu voulais conclure peut-être, non? Non, pas nécessairement. Si t'as des questions. Non, c'est pas une question. Enfin, c'est un point sur lequel j'aimerais revenir pour avant la fin, mais c'est l'orientalisme dans le steampunk. C'est un thème qui est cher à certains des membres de steampunk.fr notamment. D'accord. Ouais. Moi, il y a tout le côté. Bon, ça, c'était quand j'étais en histoire de l'art que j'ai commencé à m'y intéresser. À l'effet retour d'Égypte du 19e siècle, en fait, quand les Français rentraient de toutes les expéditions menées par Champollion et ses amis sous les ordres de Napoléon. Et justement, là, il y a le steampunk a quand même pas mal émergé depuis quelques temps. Et là, justement, dans le steampunk, on voit de plus en plus ce goût pour l'orientalisme dedans. Moi, je trouve ça très intéressant parce que je suis, sans être un gros passionné par la culture arabe, comme je peux l'être par la culture japonaise, par exemple, je trouve une certaine poésie dans tous ces retours, dans ce désir de revisiter le passé. Et je pense que le steampunk, c'est ça le goût que ça m'a donné, en fait. C'est une revisitation du passé pour se l'approprier, pour voir comment on aurait aimé qu'il soit. C'est ça? Étienne, le steampunk, ça permet aussi de mieux comprendre son histoire au sens de s'en saisir et jouer avec la distance. Je suis convaincu qu'on vit dans une période extrêmement décevante. Oui. En termes de civilisation. Ouais. Et qu'on peut avec grand plaisir et d'une manière un peu enfantine se réfugier dans une époque qui était ni mi-pain. Par bien des côtés largement pire que la nôtre, mais où il y avait une dimension humaine qui existait, voilà, où les machines étaient fabriquées par les êtres humains. Flavie. Je veux juste revenir un tout petit peu sur l'orientalisme. J'ai juste pu voir de temps en temps et j'aimerais bien. C'est pas pour dire que tout le monde le fait, mais il peut y avoir une dérive possible. Attention entre la dérive. Enfin, il y a l'orientalisme et il y a la dérive. Oh, c'était cool quand on était un grand empire français colonialiste, quoi. Ah non, je. Enfin non, mais enfin c'est une dérive qui peut exister et je pense qu'il faut quand même. Enfin, le steampunk pourrait tout à fait sur certains côtés amener à ça, mais comme toutes les histoires peuvent toujours amener au pire. Parce que c'est vrai que dans le steampunk, il y a aussi la puissance de l'Europe. Qui est là, notamment, oui. Si et j'ai bien oui. compris. Oui, mais qui est contrebalancé par les menaces de Fu Manchu et de tous les ennemis jaunes qui menacent. Alors là, je dis, c'est une référence, hein, je dis bien, c'est pas des propos racistes. Lisez les romans de Sax Rohmer. Ouais, d'accord, parce que... mais il y a cette idée-là. Hein. Intéressant, la réflexion comme ça, discret. Etienne, vous avez fait une petite réflexion. C'était une époque où les machines étaient fabriquées par les êtres humains. Sous-entendu, aujourd'hui, c'est l'inverse. Mon iPhone est fabriqué par des enfants très doués, mais ils en produisent des millions d'exemplaires. Nos vêtements sont faits par des enfants très doués, et on les remercie. Qui utilisent des machines. Dans le steampunk, il n'y a pas cette idée de standardisation. Il y a l'idée, et c'est ce qui plaît aussi du point de vue de l'esthétique pour tous ces gens qui fabriquent leurs costumes, c'est qu'on fabrique quelque chose qui nous individualise. Le costume représente mon personnage, il représente qui je suis, et il dit qui je suis d'une façon... claire et évidente. Quand des machines étaient fabriquées par des artisans au 19e siècle, c'était encore l'époque où il y avait le poinçon du fondeur qui avait fait fabriquer la pièce. Ouais, c'est pour ça que dans le steampunk, il y a autant de machines mécaniques, en fait, d'ailleurs. On retrouve l'idée de Walter Benjamin de l'aura des objets, en fait. Qu'aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel, quand on voit les chaises autour de nous, par exemple, elles sont toutes identiques, il n'y a aucune aura, il n'y a pas d'émerveillement, voilà. Alors que dans le steampunk, justement, quand on voit Dracula, alors qu'on a toujours vécu dans un univers, dans la ville où, je sais pas ce que c'est que le steampunk, donc j'ai du mal à trouver des exemples, mais en gros, il y a l'idée qu'on va s'émerveiller parce que tout à coup, on découvre quelque chose de nouveau. Mais c'est pour ça que quand on joue à un jeu de rôle steampunk aussi, il y a souvent quelqu'un à la table qui finit par créer quelque chose. Créer un robot ou créer un objet. Ça arrive très souvent. C'est pour ça que la fiche d'équipement, je pense, dans un jeu de rôle steampunk, notamment si vous voulez en créer un, je pense qu'elle le est... Le steampunk, c'est un univers de personnages, de gens créatifs, dans la mesure où c'est un univers un peu chimérique où on va composer, on va faire de la composition. On peut être soi-même composé, je pense. C'est pour ça que vraiment, si vous créez un jeu de rôle steampunk, n'oubliez pas la fiche d'équipement et ce qu'on peut faire avec, en fait. Il faut qu'elle puisse évoluer. Étienne, un univers de compositeur, le steampunk. Je pense qu'il est important, c'est dans un univers de jeu que le joueur ait une grande liberté et une part de créativité pour qu'il puisse lui aussi jouer avec les archétypes et les lieux communs. Et là, du coup, le steampunk, tu veux parler à Loïs ? Oui, c'était sur la réflexion sur l'homme et les machines. Tu fascines parce que quand tu lèves le micro comme ça, ok, excuse-moi. Tu lèves le petit doigt, mais c'est caché derrière. À Loïs, excuse-moi, du coup, je t'ai spoilé. Pour moi, le steampunk, dans le sens large, hein, je ne veux pas rester sur le Victorian punk ou autre, ça reste une période charnière, en fait. C'est quasiment presque le dernier moment avant de sombrer dans l'ultralibéralisme pour moi. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que les théories économiques vraiment dures commencent au 18e siècle, dans la moitié du 18e siècle, après, si je suis bien mes cours d'économie, ce qui n'est pas forcément le cas. c'est après l'industrialisation dure commence dans cette période-là. Et ce qui peut attirer les gens, c'est peut-être cet espoir que si on avait changé l'histoire à ce moment-là. Eh bien, on ne serait pas dans le libéralisme et le capitalisme à outrance. Étienne, est-ce que c'est pas ce que vous vouliez dire tout à l'heure lorsque vous disiez aujourd'hui le monde est foncièrement désenchanté c'est ce que je disais par le retour de la grande aventure, le retour du mystère, le retour de... J'avais pas compris ça en fait. Du coup, je comprends beaucoup mieux. De reprendre le plaisir du premier degré. Si on regarde la production romanesque cinématographique qui parfois est de qualité, souvent ça, on va avoir une part de cynisme ou de désenchantement. Oui. La blasitude. Ou du clin d'œil un peu mou à la Tarantino. Mais Étienne, on peut retrouver avec le steampunk tout un plaisir du premier degré, sans cynisme, sans caricature, où le méchant est méchant, point. Ouais. C'est comme Dr. No. Dans le premier James Bond, le méchant est méchant, point. Ouais. On ne va pas chercher plus loin. Même s'il a des mains bizarres. Il n'a pas de motivation psychologique, il est méchant, point. Ouais. Et on ne se pose pas la question. Et le but, c'est de le vaincre. Ouais, je ferai peut-être du steampunk alors plus tard. Je vous demanderai les conseils pour savoir si c'est oui ou non steampunk. Sans steampunk. Voilà, exactement. Ce sera quatrième. C'est la nostalgie aussi qui revient dans vos propos. Hein. On parle du passé quand même. Eh oui, mais non, c'est-à-dire qu'il y a un attachement au passé. C'est pas uniquement on parle du passé, genre comme un historien un peu détaché de son propos. C'est voilà, Flavie, quand t'as cité son gars avec sa roue de vélo, l'époque victorienne, les corsets, tout ça, on sent qu'il y a des étoiles dans les yeux. Moi, je l'ai dit dès le début. Hein, moi, je suis attachée à cette période Art déco. Je trouve ça beau. Vraiment beau, et je trouve qu'aujourd'hui nos réalisations architecturales, c'est du béton et c'est un cube. On est bien loin du travail qu'il y avait à l'époque. Je suis désolée, mais c'était beau. Enfin, toutes ces affiches de Mucha, c'était magnifique. D'accord. Donc finalement, le choix esthétique du steampunk aussi signale un choix contre conformisme. Même pas contre. Moi, je suis moderne. Une fan de Klimt, tu le sais bien. Enfin, moi, c'est vraiment une époque qui me parle. Point. Étienne. Et puis, il est possible de faire beaucoup de choses, de revisiter ses racines. Là, je pense vraiment à la Brigade Chimérique qui propose ce travail-là, de redonner la parole à des personnages oubliés. Les vieux super-héros européens. De faire revivre des personnages qu'on connaît pas forcément. Ah, le Nyctalope. Le Nyctalope. Donc, super-héros lyonnais qui a été écrit par Jean Delahire. Ouais. Et qui malheureusement pendant la guerre, il a ses idées politiques l'ont amené du mauvais côté de la force, côté obscur. Et voilà, donc les aventures du Nyctalope, c'est une quantité de volume. Donc voilà, son pouvoir, c'est d'être Nyctalope. donc du roman populaire, tout simplement. Et c'est retrouver donc tout cet imaginaire là que nous avons délaissé pour prendre un imaginaire qui n'est pas forcément l'autre, qui va être celui l'imaginaire américain ou anglo-saxon, qui correspond pas totalement à notre culture. Et justement, grâce au steampunk, on embraye sur des choses qui sont notre culture. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur quand je dis ça. Qui sont notre culture. Alors, ça peut être par l'architecture, par l'art, par la littérature, et retrouver des choses qui vont être. Alors, on peut s'amuser à faire du steampunk français, on peut s'amuser à faire du steampunk anglais, on peut faire du steampunk allemand, du steampunk turc, du steampunk polonais. Turquie steampunk. Ça fonctionne sur toutes les cultures. Le mécanisme fonctionne toujours. Okay. Par exemple, un steampunk français, il n'y aurait rien de mal à voir les trois mousquetaires combattre à côté de Jules Verne, tu vois. Mais bien sûr. Bah ça, c'est les lames du cardinal, ouais. Oui, hein, qui a de gros traits steampunk. En plus, c'est de sacrés bons romans. L'âme du cardinal, je vais prendre des notes, je vais réécouter le podcast. Il y a un jeu de rôle qui est sorti en plus, je crois, ou un jeu de société. Il me semble avoir vu ça quelque part sur Trick Track. En tout cas, merci Étienne d'avoir raconté ce que c'était que le steampunk. Moi, franchement, j'ai appris plein de trucs. J'espère que les auditeurs également. On peut vous retrouver où? Vous pouvez aller traîner vos guêtres du côté des deux gros sites. Il y a steampunk.fr et French Steampunk, qui sont les deux points de chute de la communauté francophone. D'accord. Et puis pour retrouver Étienne Marié. Il y a les podcasts. Donc il y a le podcast un peu erratique là du Palais des Déviants. Et puis là je traîne sur dickien.fr pour parler de Philippe K. Dick et des choses comme ça. D'accord, ok. Eh bien merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous parler de steampunk. Merci. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.